et ses maîtres du monde tremblèrent comme l'arbre au vol des ouragans, et l'ange regardait pâlir ses arrogants. Et chacun d'eux, pareil au renard qui s'échappe, cria « Ce n'est pas nous !» « Et qui donc ?»« C'est le pape !»« Seigneur, vous aviez mis parmi nous ce docteur. Il était le semeur, il était le pasteur. Il enseignait d'en haut comme votre vicaire. Nos trônes faisaient cercle autour de cette chaire. Nous écoutions son verbe ainsi que votre voix. Il nous disait « Je suis celui qui parle au roi. Quiconque me résiste et me brave est impie. » Ce qui s'y-bas j'écris, là-haut, Dieu le copie. L'Église, mon épouse, éclose mon tabor, a fait de la doctrine une cage au fil d'or, et comme des oiseaux, j'y tiens toutes les âmes. Seul, je suis le mystère, et seul, j'ai les dictames. Roi, obéissez-moi, selon qu'il est écrit.